Les journaux, agences de presse, radio et en page d'internet péruvien, notamment les journaux El Comercio et le quotidien de Callao, ont présenté largement avec des données vivantes la réalité coréenne réalisant le rêve et l'idéal du peuple sous le titre, par exemple, Pyongyang, ville moderne et pays mystérieux de l'Orient.